Salut, salut, salut. Comme tous les dimanches, c'est votre rendez-vous rock, punk et musique bruyante, Lost in Space, à partir de 21h sur le 100 FM, et c'est parti. Myself. Cette définition en trois formules est contestable, bien sûr, mais elle a l'avantage de nous donner la possibilité de construire une définition de la liberté positive assez claire par contraste. La liberté positive est une conception philosophique qui s'oppose point par point à l'idée de liberté négative comme je l'ai caractérisée. D'abord, dans la perspective positive, la liberté politique ne se résume pas à un mouvement purement négatif. Être libre ne se réduit pas au fait d'échapper à l'intervention concrète des autres dans notre vie. Et se libérer ne signifie pas seulement rejeter ce qu'on ne veut pas ou ce qu'on ne veut plus. C'est aussi viser le bien, un monde meilleur, une vie plus pleine, etc. Ensuite, la conception positive n'est pas neutre en ce qui concerne le genre de personne qu'il faudrait être et le style de vie qu'il conviendrait d'adopter. D'après elle, en effet, être libre, c'est être maître de soi. C'est agir de façon juste ou rationnelle, c'est œuvrer entre autres au bien commun en participant activement à la vie publique. Pour les amis de la conception positive, la liberté est une vertu qu'il faut impérativement distinguer de la licence, cette fausse liberté qui nous conduit à suivre aveuglément nos désirs, à faire des choses folles, stupides, égoïstes, irrationnelles. Elle consiste pour chaque être, individuel ou collectif, à se déterminer de façon autonome, par la raison ou la réflexion, et à réaliser ainsi ce qu'il contient en lui de meilleur. En ce sens, c'est une conception perfectionniste. Enfin, alors que la conception négative de la liberté politique se définit par le silence de la loi, la conception positive affirme que la liberté n'est rien d'autre que l'obéissance à la loi, dans la mesure où nous en sommes nous-mêmes les auteurs. Elle ne voit pas d'inconvénient non plus à considérer que des lois à l'élaboration desquelles nous n'avons pas participé, soit des expressions de notre liberté positive. Il suffit que ces lois protègent ou promeuvent nos intérêts les plus fondamentaux, même ceux dont nous ne sommes pas conscients. Anymore fear. I got blood, you're putting Elle avait débarqué à la Grenade sous une pluie tropicale vers 10h un matin de novembre. La lecture du Caribbean Traveler lui avait appris que la Grenade était connue comme la Spice Island, l'île aux épices, et que c'était un des plus gros producteurs au monde de noix de muscade. La capitale s'appelait St. George's. L'île comptait 120 000 habitants, mais environ 200 000 autres Grenadiens étaient expatriés aux États-Unis, au Canada ou en Angleterre, ce qui donnait une bonne idée du marché du travail sur l'île. Le paysage était montagneux autour d'un volcan éteint, Grand Étang. Daddy bought a little for me, and the Et moi aussi j'ai pris des choses de Bergerto. Mais Quentin Tarantino m'a dit qu'il a souvent pris des séquences, des inspirations, des séquences de mes films et aussi des autres directeurs italiens. Il a pris toujours aussi de la musique de mes films, de la preuve de la vie dans ses films. Ce film, si je le vois maintenant, je crois qu'il s'est mesuré. Il n'y a pas de séquences que je dis. C'est mieux que si je vais là, je vais faire un nouveau tournage et je la change. C'était l'atmosphère d'un petit village dans la Veneto, c'est Padova. Il y avait aussi un petit village à côté de Padova. J'ai fait le petit endroit où habitaient les personnages. Il y avait aussi une ville palladienne fantastique à disposition pour tourner tous les intérieurs. Avec une décadence, c'était une belle expérience. The flames will flicker. Monte Melnick est le premier ami que je me suis fait quand j'ai déménagé à Forest Hills. Je me baladais en vélo autour du lycée du quartier et on s'est rentré dedans. Il habitait juste à côté de l'école et était lui aussi en vélo. La première chose que j'ai remarqué le concernant, c'était son curieux nom allitératif. La seconde étant ses grands yeux marrons et tristes qui me regardaient avec un mélange de curiosité, de fascination et de défiance. Thank you. comme tous les autres mômes du voisinage, je fréquentais l'école primaire de Van Ness Avenue. J'obéissais, je riais de bêtises et j'en étais blessé. Mais les joies et les blessures des autres enfants provenaient de stimuli extérieurs alors que les miennes se réfléchissaient sur un écran que nourrissait tout ce qui m'entourait. Cinéma strictement personnel dont les productions étaient réservées à mes propres séances à l'intérieur de mon cerveau. La séance débutait grâce à un déclencheur mental dur et lisse comme l'acier qui savait toujours avec exactitude ce dont j'avais besoin pour m'empêcher de m'ennuyer. Come with me. Rentabilité et progrès nous appartiennent une fois de plus maintenant que nous avons la bombe à neutrons. C'est sympathique, rapide et propre et ça élimine le trop-plein d'ennemis sans dévaluer les biens. Du non-sens dans la guerre mais du bon sens chez soi. Le soleil brille sur un jour nouveau. Il n'y a plus de charges sociales à payer. Les affreux bidonvilles ont disparu en un éclair. Des millions de chômeurs sont balayés. Enfin, nous avons plus de place pour jouer. Tout est prêt pour tuer les pauvres ce soir. On va tuer les pauvres ce soir. Voici le champagne qui pétille, le taux de criminalité est nul. Se sentir à nouveau libre. Oh, madame propre, la vie est un rêve avec toi. À l'écran aujourd'hui, Jane Fonda a convaincu les libéraux que tout va bien. Alors, faisons-nous beau et dansons toute la nuit pendant qu'ils tuent les pauvres ce soir. Michel, j'ai toujours Kinder Chocolat à la maison. Représente. D'ici là, de fortes vagues de chaleur capables de tuer des dizaines de milliers de personnes, même dans les pays riches, deviendraient des événements estivaux tout à fait banals sur tous les continents, sauf l'Antarctique. Partout dans le monde, la chaleur provoquerait également des baisses de rendement spectaculaires des cultures de base. Les récoltes de sarrasin en Inde et de maïs aux États-Unis pourraient diminuer de 60%, alors même que les besoins en aliments exploseraient en raison de la croissance démographique et d'une demande de plus en plus forte de viande. Et parce que les cultures ne subiraient pas seulement un stress thermique, mais aussi des événements météorologiques extrêmes comme des sécheresses, des inondations ou des invasions de parasites à grande échelle, les pertes pourraient s'avérer plus importantes que ne l'ont prédit les modèles. Et si l'on ajoute à tout cela les ouragans dévastateurs, les feux de forêt incontrôlables, l'effondrement des pêcheries, l'assèchement des canaux d'irrigation, les extinctions d'espèces et les épidémies planétaires, il devient difficile de concevoir qu'une société où règne l'ordre et la paix puisse se maintenir en admettant qu'une telle société ait jamais existé. Accourez, mes petites enfants aux cheveux filasses, et laissez le blaireau vous faire sauter sur ses genoux. Pendant que vous me reconnaissez encore, bande de petits cinglés, vous le savez, le gong a sonné, c'est à nouveau la saison. Maintenant, laissez ruminer ma vieille cervelle. Ah, quel conte alambiqué de ces jours d'autrefois vous narrerai-je aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar sur les Yardbirds ? Ah, les Yardbirds, oui, assurément, c'était le bon temps. 1965, j'étais un jeune merdeux impétueux, je venais juste de tomber amoureux. Elle repoussait toujours ma main en reniflant. « J'aimerais bien, Lester, mais je ne veux pas devenir ce genre de fille. » Les nanas étaient vraiment comme ça à cette époque. « Ah, laisse tomber la bavasserie sénile et reviens-en à ta foutue archéologie. Ou sinon, on va se casser de tes genoux et aller chercher un peu d'action ailleurs, vieux déchet. » D'accord, kids, d'accord, soyez patients avec moi, pas de quoi fouetter un chat. Comme je le disais, c'était la glorieuse époque de 1965. Et j'avais faim de sons qui pourraient me pourrir un peu la tête. Voyez-vous, il n'y a pas grand-chose, sauf peut-être « I am Henry 8, I am ». Non, je ne le sortirai pas. Je sais que ça sonne bien, mais croyez-moi. Nous étions pris dans une de ces récessions musicales que nous subissions toujours de temps en temps, avant qu'ils n'imaginent ces voyages organisés à travers le système solaire. Je me souviens d'un autre féroce moment de déprime au début des années 70. Sauf que celui-là a duré si longtemps que nous avons bien failli nous dessécher et boycotter définitivement les disques jusqu'à ce que Barky Dildoan de Bozo Huns ne se pointe pour sauver nos âmes. We'll be right back. normal too. We swear we can. Love is love, man. We're really okay. We're really fucking okay. Open your eyes to me and press the hole in me. Now we're not where I fall. Welcome from the day of the night. Not a special place though. I got a free. I fall. Welcome. I'm an apple. Now the body's on the scale. Sous l'escalier, par une porte de fer ouverte, montait le bruit de dizaines de machines à coudre au travail et une chaleur humide. Quand je klaxonnais de nouveau parce que la belle-mère entendait rien, j'ai vu qu'elle était un peu sourde, émergea de l'obscurité de sous l'escalier en veste et pantalon noir, Yango Jia, qu'on appelle Django Jial. Il est pas sympathique, le chinois. Il fait du kung-fu, il a un pistolet et deux couteaux, il rit jamais et il est toujours en colère. Alors, je le saluais sans parler, mais derrière lui vint aussi son collègue Mao Tse-tung, comme tout le monde l'appelait, vu qu'il avait un nom incompréhensible. Cela ressemble plutôt à une démonstration tendant à prouver que les rites du travail se perpétuent, que les intéressés s'y intéressent, portés par un optimisme réconfortant à se ranger dans les files d'attente qui ornent ces guichets de l'NPE ou autres organismes, derrière lesquels s'amoncelleraient des virtualités d'emploi bizarrement et provisoirement déviées par des courants adverses, tandis que seul subsiste le manque produit par sa disparition. We'll be right back. Allez, bouge-toi, Cécile B2000. Le fabuleux, le bienveillant, le malveillant Mickeyer est aujourd'hui en train de financer, dans le plus grand secret, un navet de films d'horreur bon marché qu'on peut voir se tourner en extérieur à Griffith Park. Il a mis de côté ses centimes gagnés à exploiter les négros et se retrouve aujourd'hui associé à Variety International Pictures pour la réalisation de L'attaque du vampire atomique. C'est sensationnel, les syndicats n'y mettent pas le nez. C'est un navet de proportions épiques. Et ce Gourdeville, c'est pas fini. À la hauteur de mes espérances, chaude ambiance ce soir au 105 pour cette Black Session des Posies. Et pour ceux qui n'ont pas l'image, sachez que c'est John Auer qui a interprété ce premier titre, Definite Door. Mais de temps à autre, Ken peut chanter aussi, l'autre guitariste du groupe. Je tiens à m'excuser pour le comportement de certains des gars de la LAPD l'autre jour, dit Knowles tandis que tout le monde s'assoit. C'est un comportement complètement dépassé. Nous voulons maintenant partir sur de nouvelles bases. McCarthy évoque sa collaboration avec le FBI dans le cadre de l'équipe mise en place pour les meurtres non résolus. « Je sais que le FBI est changé, dit-il. Je suis plus que disposé à travailler avec vous. » Si nous parvenons à collaborer, je vous donnerai ce que nous avons. Dès qu'on retrouvera le tueur, on vous lâchera les baskets, ajoute Knowles. Les deux femmes semblent se détendre. La supérieure hiérarchique dit qu'elle fera son possible pour les aider. Amo dit aux inspecteurs que le FBI enquête sur la traite des blanches en provenance de Russie. Les deux femmes expliquent ensuite brièvement comment le crime organisé obtient des visas de tourisme mexicains à des jeunes filles russes et ukrainiennes grâce à des contacts dans l'ex-Union soviétique et à Los Angeles. Les filles, dont certaines aspirent naïvement à devenir mannequins, sont introduites illégalement sur le sol mexicain via Mexico, puis revendues à des proxénètes. Elles doivent payer leur entrée aux États-Unis en se prostituant. Jesus, oh the devil, of the just and illusion. Love is lost, the last fight. Je suis chaque jour le héros de mon propre film. Certains jours, sans le savoir, j'apparais dans les films des autres et j'y joue presque toujours le rôle du méchant. I've got a bad brain, looking to your soul. I've got a bad brain, looking to your mind. I've got a bad brain, looking to your soul. I've got a bad brain. I've got a bad brain, oh baby, feel alright. I've got a bad brain. to you. We're in a room at the top of the stairs. I was sleeping downstairs on the couch. I called your name, didn't know if you had gone out. Now I'm walking in the dark, walking in the dark, walking in the dark. Walking in the dark, walking in the dark, walking in the dark. L'autoroute de San Berdou coupait à travers El Monte. Les automobilistes sortaient et empruntaient Valley Boulevard vers l'est. Ils s'arrêtaient manger un morceau au Drive-In de Stan et au Hula Hut. Ils s'arrêtaient boire un coup au Desert Inn, au Playroom et au Horseshoe. Valley était la voie de passage du samedi soir. Les automobilistes en route vers l'est finissaient par se retrouver à y traîner, qu'ils le veuillent ou non. We'll be right back. be worthless. Then my ears, your steady pause is such a guess. Go down, drop dead. À 10h du matin, le bruit terrifiant de la sirène familière fit dégringoler Sam Regan de son lit. Il maudit les Duman là-haut en surface. Il savait bien que le vacarme était délibéré. Les Duman cherchaient à s'assurer que les colis de secours seraient bien récupérés par les preuves et non par la faune locale. Wants to die, wants some glory, but the price is high. See the way out, and wants to touch the sky. A star for a day, and a corpse for tomorrow. But being alive, live just one day. That's all he needs to pave his way. His arms and glory should be made to last. When it all ended in just one blast. I ain't ever been nothing. I wanna go out in a puff of smoke. I can see him vivid, vandally slung round his chest, making his grand finale, his farewell to us all. Why didn't he see a future? Why no bridges left to cross? Is it all that existed in his mind to be a star for just one day? To reach the mind and no return. day. No turning back, no afterthoughts, just a bullet in his chest. I ain't ever been nothing. I ain't ever had nothing. I ain't ever been nothing. I ain't ever had nothing. Going up in a puff of smoke. Going up in a puff of smoke. I'm gonna go out in a puff of smoke. I wanna go out in a puff of smoke. Le droit incarné, c'est le citoyen. Le droit couronné, c'est le législateur. Les républiques anciennes se représentaient le droit assis dans sa chaise curule, ayant en main ce sceptre, la loi et vêtu de cette pourpre, l'autorité. Cette figure était vraie et l'idéal n'est pas autre aujourd'hui. Toute société régulière doit avoir à son sommet le droit sacré et armé, sacré par la justice, armé de la liberté. Dans ce qui vient d'être dit, le mot « force » n'a pas été prononcé. La force existe pourtant, mais elle n'existe pas hors du droit, elle existe dans le droit. Qui dit droit, dit force. Qu'y a-t-il donc hors du droit ? La violence. Fuck the sun. Yeah. retourne sur la Nationale 50 si vite que tu vas en avoir le tournis. Ils étaient là, hein, demanda-t-il en la regardant avec une perplexité horrifiée. Je veux dire, je n'ai pas eu une hallucination, ils étaient bien là. Oui, maintenant pars, Steve, file. Il accéléra, mais pas au point de les mettre en danger, et l'admira la façon dont il se contrôlait, surtout qu'à l'évidence, lui aussi était en état de choc. Au feu, il tourna à gauche et prit au nord, par la route qu'ils avaient empruntée pour venir. Essaye d'allumer la radio, dit-il tandis que la hideuse petite ville s'éloignait peu à peu derrière eux. Trouve de la musique, mais pas du country larmoyant, j'ai eu ma dose. Si les anges dans le Yeah.